vite que tu me laisseras. J'en ressens déjà le vertige. La vie écorche, se moque chaque fois des douleurs qu'elle inflige. Le désimpact plein le cœur d'avoir cru en notre bonheur. On a tout essayé, mais on peut s'empêcher de s'entre-déchirer. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Je suis celle qui t'aime et qui t'aimera. Ne m'en veux pas. Et cette main nécessaire, surtout ne m'en veux pas. Tu seras dans mes rêves, dans mes prières, toujours la fin. On a connu des ciels sans nuages, on a connu la belle saison, sans voir que les clashés, les orages touchaient notre horizon. Mais ce n'est de la faute à personne si j'abusais, si tu déconnes. Avant de se détester, tant qu'il est encore temps, je préfère m'en aller. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Je suis celle qui t'aime et qui t'aimera. Tu seras dans mes rêves et mes prières.